La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la vie intime des sous-marins nucléaires. La recette tient en quelques lignes. Prenez 111 hommes en pleine jeunesse. Enfermez-les dans un tube métallique de 138 mètres de long et de 12 mètres de diamètre. Privez-les de grand air, de soleil, de femmes, de famille, de copains, de parties de foot, d'internet, de journaux, de nouvelles du monde. Entassez la majorité d'entre eux dans de mini-dortoirs à 4 ou 6. Faites-les prendre matin, midi et soir tous leurs repas au même endroit. Ne les laissez dormir que par tranches de 4 à 6 heures, à un rythme sans régularité. Limitez à 4 minutes la durée de leur douche quotidienne. Imposez-leur un uniforme. Laissez-les mijoter 70 jours, puis, ce temps écoulé et pas avant, dévissez le couvercle du sas. Telle est la recette, elle est donc très simple. Mais comment se peut-il qu'elle marche? Comment une telle expérience de confinement aussi radicale est-elle possible? Comment vit-on dans un sous-marin nucléaire lanceur d'engins? Et en quoi la vie au fond des mers se compare-t-elle à la vie dans l'espace? Et surtout, par quoi en diffère-t-elle? Pour répondre à ces deux questions, j'ai invité à notre conversation scientifique deux personnages. L'un qui fut commandant de sous-marins nucléaires, a sillonné les grandes profondeurs des océans, c'est-à-dire des altitudes très négatives. L'autre, astronaute, a au contraire fréquenté l'espace en des altitudes très positives. Le premier de ces personnages est l'amiral François Dupont. Bonjour. Bonjour. Bonjour amiral, vous allez faire paraître le 16 octobre un livre intitulé « Du terrible au triomphant, la vie secrète des sous-marins » dans lequel vous racontez votre expérience dans la marine, dans la sous-marine si j'ose dire. Et le second personnage est Jean-Pierre Aigneret. Bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes spationaute de l'Agence spatiale européenne. Vous avez été pilote d'essai. Vous avez volé, je crois, sur 100 types d'avions différents. Vous avez effectué plusieurs missions dans l'espace. Notamment, vous avez passé un temps fou, 186 jours, dans la station Mir du 22 février 1999 au 28 août de la même année. Ce qui vous a valu de recevoir, entre autres décorations, la médaille russe du courage personnel. Très impressionné de vous recevoir tous les deux. Alors, amiral, dans votre livre, vous citez Platon, à moins que ce soit Aristote, qui a écrit « Il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer ». Aurait-il ajouté une quatrième catégorie s'il avait pressenti l'existence des sous-marins ? Sans doute, parce que nous sommes considérés par ceux qui restent sur la mer comme des êtres un peu à part. Et nous considérons aussi que nous sommes quand même des marins à part entière, même si nous ne voyons pas le soleil ou très peu le soleil, même si nous subissons très peu les tempêtes. Donc nous sommes à la fois des marins et puis des gens sous la mer. Et vous, Jean-Pierre Aigneret, est-ce que vous pensez qu'Aristote aurait ajouté une quatrième catégorie s'il avait connu l'existence des stations spatiales? Est-ce que les astronautes sont des gens à part? Je ne sais pas, c'est un petit monde et astronaute, c'est pas un métier, contrairement à sous-marinier. C'est-à-dire que les astronautes qui ont volé le plus de fois, se comptent à 5 ou 6, je crois, le maximum de vols. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont fait 6 vols, c'est des courtes durées en général. Et donc, on passe au sol beaucoup plus de temps en s'entraîner qu'on en passe en général dans l'espace. Donc, je ne crois pas que c'est une aventure extrême. Une aventure très technique, il demande beaucoup de préparation, mais je n'ai pas le sentiment profond que ça nous rend différents des autres, sinon par l'énorme privilège qu'on a eu d'avoir cette expérience dans l'espace. Enfin, vous avez passé 6 mois d'affilée dans l'espace, qui est énorme, alors que vous, amiral, vous avez passé plusieurs fois 2 mois dans le Triomphant, oui, qui est le sous-marin que vous avez. J'ai un nombre d'heures de plongée qui est assez élevé. Voilà, mais sur des sous-marins qui étaient différents, dans des conditions qui étaient différentes, avec des missions qui étaient aussi différentes. Alors, pourquoi ces 2 mois, la durée des missions? Est-ce que ça pourrait être plus? Qu'est-ce qui limite? En fait, c'est un peu plus de 2 mois, puisque c'est 70 jours. On n'est pas limité par la propulsion, puisque le réacteur nucléaire permettrait aux sous-marins de faire plusieurs fois le tour du monde. On n'est pas non plus vraiment limité par les vivres. On embarque jusqu'à 100 jours. Mais enfin, les Américains comme nous, et les Britanniques aussi, pensent qu'au bout de 70 jours, on commence à fatiguer, une certaine lassitude, qui fait que si jamais il y a un pépin, et ça peut arriver à tout moment, on sera plus aussi efficace. Voilà. Donc 70 jours, c'est une bonne longueur. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur le Triomphant, ce sous-marin que vous avez donc commandé? Sa taille, 138 mètres, c'est plus qu'un terrain de foot. 138 mètres, 12 mètres 50 de diamètre, une coque qui lui permet d'aller à plus que 300 mètres d'immersion. L'immersion maximale est protégée. Donc un acier protégé par le secret, vous voulez dire? Protégé par le secret, oui. Voilà. Donc vous pouvez descendre plus bas, non? C'est... Encore plus bas. Et comme la coque est calculée avec un coefficient de sécurité, comme c'est le cas partout, ça fait des épaisseurs de coque importantes, des aciers spéciaux qui sont des aciers qui doivent être soudables. Et à l'intérieur de ce grand tube, eh bien, énormément d'appareils, un million de appareils, que ce soit des écrans, des témoins, etc. Et donc c'est une très belle merveille technologique. Il paraît que c'est la chose la plus compliquée à réaliser sur Terre. C'est un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Qui pèse 13 000 tonnes, c'est-à-dire alors, presque deux fois la tour. 13 000 tonnes en surface et 14 000 tonnes quand il est en plongée. Et comment est-ce que vous faites pour garantir qu'il soit parfaitement équilibré, qu'il ne penche pas ni vers l'avant, ni vers l'arrière? Alors ni ça, vers... c'est des calculs qui sont faits par des ingénieurs très, très puissants et maintenant beaucoup de calculateurs. Effectivement, il faut équilibrer un bateau à la fois dans sa longueur, puisque tout le très gros poids est à l'arrière, avec le réacteur nucléaire, avec les turbines, etc., et à l'avant. Donc tout ça est très équilibré avec des masses. Et puis quand on est en plongée, ben, il faut toujours vérifier que la poussée d'Archimède, qui le pousse en dessous, est exactement égale à son poids. Et là, on a ce qu'on appelle des caisses de réglage qui permettent d'ajuster le poids. Dans votre livre, vous racontez la mise à flot, c'est comme ça qu'on dit, du sous-marin. Il y a quand même un petit stress au moment de constater s'il est bien équilibré. Absolument. Donc les calculs donnent confiance, mais pas complètement. La première fois, j'ai eu la chance de faire ce qu'on appelle l'armement du Triomphant, c'est-à-dire d'arriver quand le sous-marin était encore en tronçon. Et quand je suis parti, il avait fait ses essais, notamment en immersion maximale. Et donc j'ai vécu avec les ingénieurs la première mise à flot, qui était un moment de vérité, parce qu'on allait voir si tous les calculs prouvaient que le sous-marin était bien équilibré, ne penchait pas, n'était pas dans un sens ou dans l'autre. Ce qui s'est passé. La pression qui est votre grand ennemi, qui vaut, quand on est à la surface de l'eau, qui vaut à peu près l'équivalent de 10 mètres par mètre carré, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous plongez de 10 mètres, il y a un bar, c'est la pression atmosphérique de plus. Ouais. Donc à 300 mètres, c'est 30 bars. 30 bars. Qu'est-ce qui garantit que la structure peut tenir jusqu'à ces profondeurs? Est-ce qu'il n'y a pas une petite angoisse liée au fait que la moindre petite fuite peut déclencher une catastrophe? Alors d'abord, les calculs et l'échantillonnage, ce qu'on appelle l'échantillonnage, c'est-à-dire le calcul de la coque. Et là, moi, j'ai toujours une très grande confiance dans les ingénieurs qui ont dessiné ces bateaux. Et puis ensuite, on est en permanence en train de vérifier l'étanchéité, notamment parce que cette coque est percée d'un certain nombre de trous, pour aller chercher l'eau à l'extérieur, pour aller chercher des signaux électriques, etc. Et que la seconde nature du sous-marinier, c'est de vérifier l'étanchéité. Mais j'ai compris que c'était la même chose à bord de Mire. Dans tous ces systèmes qui sont prévus pour être hermétiques, en fait, c'est hermétique n'existe pas. Il y a toujours des fuites, en fait. Oui, mais c'est l'inverse chez vous. Il n'y a pas beaucoup de pression à l'extérieur. Non, il n'y a pas beaucoup de... Mais je me souviens avoir passé des heures à faire Mir lors de mon deuxième vol. C'était la dernière mission scientifique à bord de Mir. Mir était depuis 15 ans dans l'espace, soumis aux bombardements cosmiques, du soleil, les débris, etc. Il y avait plusieurs panneaux solaires qui avaient été impactés. Il y avait des impacts sur les hublots, les radiateurs qui nous permettaient de faire le conditionnement à bord. Il y a deux radiateurs qui ne fonctionnaient plus parce qu'ils avaient été percutés par des débris. Donc on a passé beaucoup de temps à faire des recherches de fuites, à la fois des fuites d'air, mais aussi des fuites de glycol au travers des radiateurs, en fait. Il y a toujours des fuites. Et en fait, on gonfle périodiquement la station, on rajoute de l'air, de même qu'on perd un peu d'énergie, on est soumis à la balistique dans un vide presque absolu, mais pas complètement absolu, il reste des frottements, et donc périodiquement il faudrait accélérer cette station pour la maintenir. Vous étiez à quelle altitude en moyenne? On est aux alentours de 350-380 km, c'est-à-dire pas très loin finalement, c'est Paris-Poitiers, quelque chose comme ça. Mais ça permet d'avoir une belle vue. Mais ça permet de voir presque un quart du globe, de voir toute l'Europe d'un seul regard. Et ça, c'est une aventure, bien sûr, extraordinaire. Alors, Amiral Dupont, vous écrivez dans votre livre, à une époque où vous ne saviez pas que vous rencontreriez Jean-Pierre Ignoret, Vous écrivez, la pénétration dans la mer est plus difficile que l'envol dans le ciel ou vers l'espace. Absolument, c'est quelque chose qui philosophiquement m'apporte. Est-ce que c'est vrai? On descend, la profondeur maximum des océans, c'est la fosse des Mariannes à 10 915 mètres, qui n'a donc à peine 11 kilomètres, qui n'a rien à voir avec ce que Jean-Pierre vient de dire en termes, voilà. Alors, pour aller dans Mir, il faut s'arracher à l'attraction terrestre. Et ça, c'est nous-mêmes, il suffit de s'alourdir pour descendre. Mais si on s'alourdit, on est soumis à cette pression d'une façon extraordinaire. Et Auguste Piccard, quand il a inventé le bathyscaphe, a permis à son fils d'aller dans cette fosse des Mariannes, mais l'épaisseur de sa coque était énorme et il n'y avait que deux personnes. Voilà. Donc on descend beaucoup plus difficilement dans l'eau qu'on monte au ciel. C'est quand même pas si facile d'aller... D'ailleurs, non. Historiquement, on a commencé par aller dans l'eau avant d'aller dans l'espace. Absolument, oui. Fonctionnement. Alors, comment se passe le voyage pour aller rejoindre Mir? D'abord, le voyage, c'est la préparation. Il faut environ 2 ans de préparation d'un équipage avant de faire un vol. Alors, toute la préparation, dans mon cas, se passait aux alentours de Moscou, dans la banlieue de Moscou, la cité des étoiles, hein. Là où même Gagarine a fait sa préparation pour son premier vol. Bien sûr, les vols sont programmés. Les vols sont programmés parce que la durée d'un vol, en général, est conditionnée par la durée du véhicule, le Soyouz. Le Soyouz ne peut pas rester beaucoup plus de 6 mois en orbite. Et donc, les dates de vol sont programmées pour remplacer l'équipage avec son Soyouz existant. Certains astronautes, d'ailleurs, sautent sur un autre véhicule et peuvent faire 2 ans, 14 mois, en particulier quand on avait la navette internationale. Le vol lui-même, le décollage, bon, c'est un miracle, hein, une fusée à chaque fois. Il y a toujours une part d'incertitude dans l'espace. C'est ce qui fait un peu la grandeur de cette activité qui reste une activité très technologique. Mais s'arracher à la Terre, il faut avoir vu un décollage de fusée pour voir la débauche d'énergie qui est nécessaire pour s'arracher à cette planète. Auquel on est très habitué d'être collé, ça nous surprend pas d'être sur une chaise et de ne pas bouger. Et pourtant, pour s'arracher à cette gravitation, il faut des moteurs. Faut prendre par exemple dans la table de Mendeleïev l'hydrogène et l'oxygène qui a le meilleur rapport production d'énergie par rapport à la masse embarquée. Et encore aujourd'hui. On est obligé de faire des fusées à plusieurs étages, c'est-à-dire qu'on ne peut pas embarquer toute la masse qu'on a au décollage, la masse des réservoirs qui sont vides par exemple, parce que sinon on n'arriverait pas à se mettre en orbite. Le lanceur monoétage n'existe pas encore, c'est pour dire combien la technologie des moteurs et des lanceurs, on appelle ça des lanceurs dans le terme, est quelque chose de très pointu et très spécial. Mais est-ce que vous vous souvenez de l'état psychologique dans lequel vous êtes au moment de monter dans cette fusée, en sachant que vous partez pour 6 mois? Mais on part pour une mission, en fait. Hein. Oui, mais est-ce qu'il y a une angoisse particulière? Est-ce qu'il y a de la patience? Il n'y a pas d'angoisse. Et il n'y a pas d'angoisse parce qu'on est conditionné pour ça. On passe pendant, je vous disais que l'entraînement dure 18 mois. Ces 18 mois, on fait des simulations dans la deuxième partie de l'entraînement, ou dans un Soyouz, un simulateur de Soyouz à bord, et où on est en permanence dans des situations quasi catastrophiques. Pratiquement tous les entraînements, on se trouve dans des situations où vraiment rien ne fonctionne. Des pannes multiples, ce qui est contraire à la technologie de ce genre de véhicule, où on se débrouille toujours pour qu'une panne ne soit pas directement catastrophique. En général, il faut même que la deuxième panne ne le soit pas. Et donc, on est tellement habitué à traverser des feux à bord, perte de pression dans les réserves d'oxygène, donc qui nous donne un temps limité de survie à bord. On passe son temps à faire ça, si bien qu'une fois qu'au bout de cet entraînement, on va à Baïkonour, au Kazakhstan, puisque c'est là que se passe le décollage, on est... complètement dans le truc. Et puis, il faut parler d'une chose, c'est la motivation. On est tous là, on est volontaires. Il y a une très forte sélection au départ, hein, à peu près 1 pour 1000, entre 1 pour 1000 et 1 pour 10 000, le nombre d'élus par rapport aux candidats astronautes. Et en permanence, on est soumis au risque d'avoir une visite médicale négative qui fait que notre vol peut être, même programmé, peut être annulé, même... Dans le cas de Claudie, ma femme, par exemple, son commandant a été enlevé de l'équipage 3 semaines avant le décollage. Et ils ont changé le commandant. Pour raison médicale. Pour raison médicale. On est sans arrêt soumis à des tests médicaux. Là, c'était un test à Baïkonour. L'équipage était à Baïkonour. Son électrocardiogramme était non conforme. En fait, il y avait des courbes qui n'étaient pas classiques. Et pour ça, il a été arrêté de vol. Et il n'a jamais eu aucun problème cardiaque ensuite. D'ailleurs, il n'a jamais plus revolé. Donc, on a toujours cette épée de Damoclès qui fait que si on perd, non pas la santé, mais même si on a une particularité qui apparaît, à un moment donné, on peut être soumis dans ce vol. Si bien que les derniers jours, on est déjà, 3 jours avant le décollage, on est déjà parti dans, je me souviens très bien de cette étape psychologique à Baïkonour, où calmement, je partais pour 6 mois, j'avais le droit à 1,5 kg d'objets personnels à bord. Claudie, qui était ma doublure, était près de moi, ce qui était un privilège et c'était assez rare. Mais déjà, j'étais plus avec les gens qui étaient à bord. J'étais déjà dans ce monde complètement exotique dans lequel j'allais vivre pendant 6 mois. Bon, les spationautes sont vraiment des gens à part. Aristote aurait dû... Préparation. Et vous, amiral, est-ce que vous avez le souvenir de l'état psychologique dans lequel vous êtes et les membres de l'équipage également lorsque... Oui, on est bien sûr dans un état psychologique différent parce qu'on quitte le monde des vivants, hein, de ceux qui resteront sur la Terre et nous-mêmes, on va partir pour une période qui sera longue, dans laquelle il y aura aussi peut-être des avaries, peut-être des problèmes, peut-être des situations opérationnelles un peu compliquées. Alors, on est aussi très entraînés, les équipes sont très entraînées avant à Terre. Mais ce n'est pas un entraînement physique comme les astronautes. C'est pas un entraînement physique, non, sauf qu'on peut faire des séances un peu longues de quart, par exemple. On garde des équipes pendant 3 ou 4 heures et à la fin de 3 ou 4 heures, on peut être un peu fatigué. Et puis, il y a ce départ en mer quand on quitte la Terre. C'est un esprit un peu particulier. Il faut oublier la Terre et se concentrer sur ce qu'on va faire. Donc c'est toujours... Et les membres de l'équipage ne savent pas où est le sous-marin. Il n'y a que vous, le commandant, qui connaissez la position. Alors, la position exacte est connue par le commandant simplement et l'officier, bien sûr, qui s'occupe de la navigation, puisqu'on a une navigation très, très, très précise. Tout ça pour qu'il n'y ait jamais, quelque part, la trace d'un SNLE qui pourrait être reconnu ou détecté quelque part. Mais... Donc les membres de l'équipage reviennent sans être capables de dire où ils sont allés. Ce qui est très bien en termes de protection du secret et pour eux-mêmes et pour leur famille. Mais ça crée un rapport quand même très particulier au voyage, j'imagine. C'est un voyage un peu particulier, d'ailleurs. En plus, on n'a plus aucune information. Et donc, au moment où on sort du sous-marin, après 2 mois, enfin 70 jours de voyage, si j'ose dire, on a peut-être peur de découvrir des informations qui En fait, il y a 3 types d'informations. Il y a les informations qu'on reçoit régulièrement, puisque nous avons des presses qui arrivent tous les jours, dans lesquelles l'état-major à terre nous informe de la vie courante, de ce qui se passe en France. Mais ne nous sont pas transmis ou sont transmis au commandant tout seul, dans un message crypté, et qu'il décrypte lui-même, c'est-à-dire qu'il le traduit lui-même, les événements extrêmement importants. Par exemple, le 13 novembre ou le 14 juillet à Nice, le commandant l'a su tout seul. Avant de lui transmettre cette information, on s'était assuré que personne de sa famille n'était concerné. Et il a gardé cette information le plus tard possible, de façon à ce que ça ne joue pas sur l'ambiance. Et bien sûr, on peut avoir aussi des informations plus graves, enfin, ou en tout cas graves, personnel, lorsqu'il y a un deuil ou un accident très important à bord pour une personne de l'équipage. Et là aussi, le commandant est prévenu. Et c'est à lui de juger du moment où il va le dire. Est-ce que c'est très longtemps avant le retour de la patrouille? Est-ce que c'est la veille du retour en fonction de la psychologie? Ce qui demande à bien connaître la psychologie de chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle en la matière? Non, il n'y a pas de règle. C'est une règle à la fois de bienveillance et de bon sens. Et puis surtout, c'est une décision que le commandant ne prend pas seul. Il est entouré à la fois par son commandant second, par ce qu'on appelle le président des officiers mariniers, qui connaît bien les psychologies des uns et des autres. Voilà. Donc, il n'y a pas de règle, au contraire. Jean-Pierre Aigneret, vous-même, quand vous étiez dans la station Mir, est-ce que vous étiez au courant de ce qui se passait en France et dans le monde? C'était l'époque de la guerre en Serbie. En Serbie, oui. Mais non, on avait des actualités, chacun. Moi, mon équipe. Chacun, tiens, les Russes avaient leurs actualités et vous aviez les vôtres. Alors, il y avait, à l'époque, enfin, en général, on est en contact régulier, maintenant permanent, avec le centre de contrôle au sol. Mais les liaisons, dans mon cas, étaient limitées parce que nous n'avions pas de relais satellite et donc nous n'avions de contact avec le sol que lors de nos passages au-dessus du territoire russe. ex-soviétique, parce que en fait l'ensemble du dispositif avait été fait du temps de l'Union soviétique, donc il y avait des radars, des systèmes de détection radio qui étaient dans les anciens pays soviétiques qui avaient obtenu leur autonomie donc à l'écroulement de l'Union soviétique. Mais ça fait que on avait des vacations très faibles, et c'était des vacations de 8-10 minutes qui étaient essentiellement utilisées pour les consignes opérationnelles, consignes concernant la mise en œuvre des expériences scientifiques ou des problèmes à bord, etc. Et donc les messages personnels étaient très limités. Alors maintenant, c'est plus du tout comme ça. Maintenant, Thomas Pesquet, lui, il prend son téléphone, il téléphone à qui il veut, d'où il est en permanence. C'est une autre époque, c'était 20 ans avant, pratiquement. Et moi, j'arrivais à communiquer grâce à une petite station radio amateur qu'on avait à bord et qui nous permettait, à notre initiative, d'avoir des contacts avec le sol. En particulier, j'avais installé un radio amateur, une station de réception chez moi, et avec Claudie, on pouvait communiquer avec après ce canal. Le problème, c'est que dans les canaux radio amateurs, surtout quand on est dans l'espace, on est en visibilité radio de tout le monde, et tout le monde cherche à contacter les astronautes, et souvent la fréquence était complètement saturée. Mais oui, on est informé des actualités. Il n'y a pas autant de précautions. On est en équipage très restreint. Moi, dans mon cas, j'étais avec deux Russes. On est fortement sélectionnés psychologiquement. Donc, il n'y a pas ces précautions tellement. Par exemple, la guerre de Serbie qui aurait dû nous séparer dans l'équipage, puisque eux étaient plutôt pro-serbes et nous, moi, en tant qu'Européen, et en tout cas, les informations que j'avais du côté de mon équipe française étaient plutôt occidentales. Et les deux étaient bien sûr légèrement, entre guillemets, antagonistes. On en a discuté calmement à bord, mais c'est vrai que il faut bien comprendre qu'on est en survie permanente. Dans l'espace, on est séparé du vide absolu de 3 mm, on peut être percuté par un objet à tout moment. Et donc, si vous voulez, la dimension de nos préoccupations allait au-delà de la manière dont on aurait pu considérer un événement historique aussi important que la guerre en Yougoslavie, telle qu'on la considérait sur Terre. Nos priorités étaient légèrement décalées par rapport à celles d'un homme normal sur Terre. De ce point de vue-là, effectivement, on est quelque peu différent. Nous-mêmes, nous n'émettons jamais de messages. Et bien sûr, il n'y a pas possibilité de conversation pour un membre de l'équipage. Nous ne le faisons qu'en cas d'urgence et en cas de très grosses difficultés. Donc le sous-marin, pendant 70 jours, ne parle pas. Mais Jean-Pierre Ignoret vient de dire qu'ils avaient subi des tests psychologiques. Est-ce que c'est le cas pour les membres de l'équipage d'un sous-marin ? Bien sûr. On subit des tests psychologiques qui ne sont pas aussi... Mais vous dites dans le livre que ce n'est pas grand-chose. Non, ce qui est important, c'est d'être volontaire. Voilà. Le test de volontariat est ce qu'il y a de plus important. C'est un point commun. Après, on voit très vite si quelqu'un s'habitue à une patrouille ou pas, ou s'il est capable de le faire ou pas. Et bien sûr, on a des tests psychologiques. Et on a tout au long de la patrouille des sondeurs, enfin, on peut dire des thermomètres. Le toubib, par exemple, le médecin qui est à bord, est quelqu'un qui est capable de vous dire, à un moment ou à un autre, l'ambiance est bonne ou pas bonne en général, ou un tel a eu quelques difficultés, et à ce moment-là, on se penche sur le sujet. Jean-Pierre Ignoret. Dans notre cas, par exemple, vous avez une expérience, au milieu de mon vol, au bout de 3-4 mois à bord, après une sortie extravéhiculaire, on sort à l'extérieur pour faire un certain nombre de travaux. Vous pouvez sortir de la boîte, pas pour aller en boîte, mais pour sortir de la boîte. Alors, si les marges de sécurité sont pas énormes, c'est pas possible. Les normes de sécurité sont réduites dans la station. Quand on sort à l'extérieur, elles sont encore divisées par 10. Donc c'est un exercice grave qu'on ne sort à l'extérieur du véhicule que quand il n'y a pas d'autre moyen de réaliser la mission qu'on veut réaliser. Toujours est-il que c'est un effort physique. Physique, technique, de risque relativement important. Pourquoi physique ? Quelles sont les forces qu'on doit combattre ? Eh bien, on est en apesanteur, dans le vide absolu. D'un point de vue physique, le scaphandre est gonflé à 0,5 atmosphère pour qu'il ne soit pas rigide. Néanmoins, c'est comme un pneu de voiture qui est gonflé à 2 bars. Quand tout le mouvement que vous faites, y compris le fait de fermer la main pour agripper un mousqueton qui accroche votre ligne de sécurité à la station, et on en a deux en permanence, comme un alpiniste, on se sécurise en permanence. Alors donc 500 fois, on referme la main pour presser ce mousqueton, on le relâche. Et je me souviens qu'après une demi-heure, j'avais des ampoules au bout des ongles, pratiquement aux deux mains. Et puis, rien que le fait Le scaphandre lui-même, habillé avec l'astronaute, c'est 200 kilos. Et il faut faire très attention de ne pas faire des mouvements brusques parce que les jambes, on n'est plus attiré par gravité par la station et donc on n'est retenu que par les mains. Les pieds ne servent à rien. Et quand on se déplace, on n'est retenu que par les mains et l'éventuelle deuxième ligne de sécurité. Et donc ces mouvements sont à la fois pénibles, mais en même temps ils doivent être précis, parce que si on oublie, ça m'est arrivé une fois, parce qu'il s'avère que, comme je vous l'ai dit, on était en fin de vie dans la station Mir, à 15 ans, et les mousquetons étaient légèrement rouillés. Et ces mousquetons, normalement, quand vous relâchez un mousqueton, ils s'en cliquent en sécurité naturellement. Et ça n'était pas toujours le cas, nos mousquetons en sortie extraviculaire. Et ça m'est arrivé deux fois, au moment de prendre le deuxième mousqueton de sécurité, de voir qu'il était en train de flotter à côté. Et donc je n'étais plus retenu que par cette main qui produisait un effort physique important pour tenir mon scaphandre de 200 kilos. Gros stress. Donc vous imaginez qu'il y a du stress, un effort physique important. En plus, on tourne autour de la Terre en 45 minutes. Ça veut dire que toutes les 40 minutes, on rentre dans une zone d'ombre pour une vingtaine de minutes. Et là, d'un seul coup, la température de surface passe de 200 degrés à moins 180 degrés. Et si vous ne régulez pas votre système thermique qui sert à évacuer votre chaleur métabolique à l'intérieur, très rapidement vous glacez. C'est une espèce de manette qui est sur le bord, qui a une certaine inertie. Et donc, si on oublie de réguler, au bout de moins d'une minute, au bout de 30 secondes, on commence à sentir que tout se glace autour de soi. Et quand on rentre d'une sortie extravéhiculaire, on est épuisé par la concentration physiquement. Donc je parlais de ce point-là, puisque pour vous donner l'exemple, que juste après notre sortie extravéhiculaire avec le commandant, on a annoncé au commandant qu'il avait perdu sa mère. Et vous voyez qu'on l'a informé pratiquement immédiatement le jour même. On n'a pas tout à fait le même style de précaution, en tout cas la même appréhension du contact avec les équipages. Mais c'est vrai que c'est pas un équipage de dimension réduite et donc la situation est peut-être différente de ce point de vue-là. Amiral ? Oui, je pense que d'abord on est très séparés, et on est très coupés et on ne peut pas finalement se défaire de son angoisse, de sa douleur au travers par exemple d'une communication qu'on peut avoir directement quand on est dans une station, puisqu'on peut parler directement avec dans le cas de la perte d'une mère, avec un frère, une soeur, etc. Nous on est coupés, et la seule façon qu'on aurait, c'est de peut-être permettre à l'homme d'équipage qui est concerné de quitter le bateau. Et à ce moment-là, c'est très compliqué parce que, eh bien, il faut l'extraire en mer, ce qui veut dire un ralliement avec un bateau, un hélicoptère, etc. Et forcément une indiscrétion. Une indiscrétion du sous-marin, c'est une suspension, même si elle est très courte, de la dissuasion nucléaire, puisque le but du sous-marin, c'est de se diluer, de ne jamais, qu'on ne puisse jamais savoir où il est. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est plus compliqué, qu'on peut faire, en particulier si quelqu'un est gravement malade à bord. Mais c'est une décision dite de commandement qui exige de mesurer et les inconvénients et les avantages. J'ai une question plus prosaïque. Est-ce que vous accueillez des fumeurs Non, pas du tout. Alors on a eu beaucoup de chance parce que l'amiral Louzeau qui vient de mourir, qui a été le premier commandant de sous-marin nucléaire lanceur d'engins français. Le redoutable, oui, a décidé qu'on ne fumait pas à bord, alors que lui-même était un fumeur. Mais c'était possible, parce que la régie des tabacs... Oui, alors la régie des tabacs avait inventé la Galia, voilà. Cigarette pour sous-marinier. Voilà, nous avions mis à bord à la fois des usines qui fabriquent de l'oxygène, ça c'est important, qui éliminent et les goudrons et le gaz carbonique, et même des cendriers. Et l'amiral Louzeau a dit non, on ne fumera pas à bord. Bon, dans les stations spatiales, on ne fume pas non plus, Jean-Pierre. Non, et il y a des détecteurs en plus. La télémétrie indiquerait immédiatement au sol. Je me souviens d'un accord. Ça serait dénoncé. Ça ferait un gros incident parce que c'est une entrave aux consignes, mais. Alors vous savez, la règle de l'émission, c'est d'écouter un morceau de musique, en l'occurrence choisi par l'amiral, qui a choisi, c'est une drôle de coïncidence, la musique du Grand Bleu. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, dans sa version moyenne ou dans sa version longue, et je trouve qu'elle recrée bien l'ambiance de la mer, et c'est une musique qui est à la fois rassurante, reposante, et puis qui donne une dimension à ce que j'aime bien dans la mer. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. bon, la musique du Rond Bleu, alors... Alors, on pourrait ajouter, ouais, que je n'ai pas dit avant, qu'on entend des cris de dauphins, de baleines, etc. Ce qui est notre cas lorsqu'on est en plongée profonde ou moins profonde. Donc, c'est très réaliste. Vous parlez dans le livre que vous venez de publier, de ceux qu'on appelle les oreilles d'or. Oui. Bien connus depuis que le film Le Chant du Loup les a montrés un peu mieux. Et ce sont des gens qui sont sélectionnés parce qu'ils ont une ouïe très sélective. Alors c'est des gens qui sont sélectionnés parce qu'ils ont une oreille très, très musicale, très précise, et qui sont capables... Alors, on a bien sûr des appareils qui nous permettent de distinguer une fréquence, de faire une analyse fréquentielle très, très claire, mais on s'est rendu compte qu'en en dernier stade, la musique, parce que finalement ce sont des musiques reconnues par une oreille d'or, est finalement la plus fiable pour détecter un sous-marin russe, un porte-avions américain. Un chalutier australien, un banc de crevettes, etc. Alors peut-être que l'intelligence artificielle va faire qu'un jour, mais je pense qu'on restera aussi avec cette oreille humaine sur laquelle le commandant finalement se repose complètement, parce qu'il faut qu'il lui fasse complètement confiance. C'est très bien montré dans Le Chant du Loup. On voit très bien que François Civil joue très bien cette oreille d'or qui est le vecteur principal de l'écoute de l'extérieur. Et ça existe, c'est tout à fait réaliste. Mais quand même, je peux pas m'empêcher de vous poser des questions sur comment ça se passe dans le cerveau des membres de l'équipage, tenir 2 mois comme ça. On a l'impression qu'il doit y avoir des pétages de plomb, des angoisses. Et vous dites au contraire dans le livre que non, ça se passe toujours très bien, comme si c'était un milieu parfaitement protégé, parfaitement agréable. Quand on vous demande par exemple que faites-vous des claustrophobes, des agressifs, des dépressifs, vous répondez strictement rien, puisqu'il n'y en a pas. Quoi, pas un pétage de plomb, une baisse de morale, rien de notable, non, répondez-vous. Alors bon, c'est un monde un peu idéal, mais il est certain que si on, quand on part pour une patrouille, pour cette mission de 70 jours, d'abord chacun partage ce que représente cette mission, d'une part. D'autre part, la responsabilité est très bien organisée à bord. Chacun a une part de responsabilité très importante. Donc tout le monde doit compter sur tout le monde. Tout le monde doit compter sur tout le monde, parce que peut-être qu'un jour le sous-marin sera sauvé par quelqu'un qui aura la bonne réaction au bon endroit. Et ça suffit pour éliminer les bisbilles Je pense que ça met les bisbilles en tout cas de côté. Et que ça permet de dire que chacun, non seulement a une part de responsabilité, mais il a aussi une part d'autorité, finalement, sur l'ensemble de la mission. Le commandant, bien sûr, a une part d'autorité importante, mais chacun, par la responsabilité qui est là, partage une part de cette autorité. Et je crois que ça, c'est très, très, très bien senti par l'ensemble des équipages. Alors, j'ai d'autres questions indiscrètes, même si elles ne relèvent pas du secret défense, mais les hommes qui ont partagé 2 mois et plus dans le sous-marin, quand ils sont à nouveau sur Terre, est-ce qu'ils se fréquentent ou est-ce qu'ils ne veulent plus se voir? Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils continuent à se fréquenter, à se voir, et notamment en famille. Alors, ces liens entre les familles sont importants, puisque, au fond, nous abandonnons nos familles pendant 70 jours, et que s'il y a un problème particulier dans ces familles, c'est le lien entre ces familles qui fait que tout ça peut continuer à se passer. Donc, ça peut paraître surprenant, mais au fond, l'efficacité de la patrouille, elle tient aussi dans ce lien très fort entre les familles qui s'épaulent quand nous ne sommes pas là. Il y a un poème d'Aragon qui s'intitule « La rose et le réséda » qui dit un peu ce que vous exprimez là. « Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. » Absolument. C'est-à-dire le fait d'être exposé à des risques ensemble, ouais, égalise les conditions et permet la familiarité, même s'il y a une hiérarchie militaire très forte. Il y a une très grande discipline personnelle qui permet de dire, de toute façon, moi je fais partie d'un équipage de 111 personnes, je ne peux pas penser que cet équipage ne va pas fonctionner à cause de moi. Alors, qu'il y ait des moments, il y a ce que j'appelle à bord des météos. La météo de l'équipage en général, on sait qu'il y a des moments qui sont un peu compliqués, en particulier le milieu de la patrouille. On pense qu'on a déjà fait une bonne partie, il en reste encore la moitié à faire. Et le commandant et les officiers qui sont responsables du fonctionnement doivent savoir qu'il y a des moments où c'est plus facile ou plus difficile de demander quelque chose à quelqu'un. Donc on ne peut pas dire qu'on peut avoir, par exemple, tolérance zéro tout le temps. Non, ça rejoint un peu l'annonce d'un deuil. Il faut faire preuve de psychologie, de philosophie, y compris pour soi-même. On sait qu'il y a des moments où on est plus ou moins en forme. Jean-Pierre Ignoré, dans la station Mire, c'est toujours une belle ambiance? Ou est-ce qu'il y a des coups de mou au bout de 3 mois, quand on sait qu'il y a encore 3 mois à tenir? Je suis tout à fait d'accord. On aurait ressenti exactement la même chose concernant la gestion du temps par rapport à la moitié de la mission. C'est vrai que la fin de la première moitié est une étape qui est difficile parce que c'est comme au marathon. Voilà. Une fois qu'on a fait le premier une fois semi, qu'on a fait la moitié, on sait ce qu'on vient de faire, donc on sait ce qui reste à faire et on sait qu'on va être capable de le faire. Et la deuxième partie est toujours beaucoup plus facile. Mais oui, moi j'avais la chance d'être avec un équipage de deux Russes et les Russes ont une grande habitude. Ils ont un caractère particulièrement agréable en communauté. C'est pas des gens qui cherchent à s'affirmer les uns par rapport aux autres. Ils ont été très habitués aux activités communes et sociales. Et le groupe prend toujours la priorité avec eux, l'équipage, par rapport à l'individu. Mais c'est vrai qu'il y a des aléas d'humeur et ça se compense simplement par la tolérance, oui, par la compréhension, par le fait d'accepter qu'à un certain moment... L'humour, mais bon, moi, j'ai eu... Sur 6 mois, on a eu un incident. Un incident pour une cause, d'ailleurs, qui est complètement mineure, qui ne vaut même pas le coup d'être notée, et qui était liée au décès de la maman du commandant. Et pendant quelques jours, quand même, je dirais, mais une semaine ou peut-être deux, il y a eu un petit mou. On sentait qu'il n'était pas là, qu'il n'était pas en forme. Et il a fait un reproche complètement décalé par rapport à la réalité, à la fois à moi et à mon collègue ingénieur de bord russe. Alors on s'est expliqué même de manière assez directe. Hein, mais on peut pas les bouder dans un coin. Non, on boude pas dans le coin, mais on est en survie à bord et on a des choses à faire. On vit une expérience extraordinaire, donc très rapidement en fait, avec des gens intelligents, bien formés, on peut facilement reprendre le dessus. Et cet incident s'est calmé très très rapidement. En fait, on est là pour s'aider. Et puis, il y a surtout l'importance de la mission. Hein. On est 3 à bord pour un vol de 6 mois. Il n'est pas question de rentrer, comme on disait tout à l'heure, le sous-marin qu'on remet à la surface parce que quelqu'un ne se sent pas bien. Là, dans ce cas-là, il faudrait faire rentrer le Soyouz. C'est un investissement considérable, un risque, la perte de la station, puisque si on s'en va, il n'y aura pas d'équipage qui nous remplacera. C'est des conséquences tellement considérables qu'une petite chicaille à bord est vraiment quelque chose de très relatif. Une petite chicaille n'a pas d'intérêt, voilà. C'est certain. Et je voudrais un peu insister sur l'humour et surtout la forme de liberté de parole qu'on imagine pas forcément en disant peut-être que c'est très hiérarchique le commandant, etc. En fait, on est assez libre entre nous et un commandant qui, je pense, tient bien sa place, il peut accepter aussi une remarque d'un autre. Familière. Voilà, plutôt familière. Et vous parlez tous les deux de mission. Alors, mission, amiral, oui. Vous dites que notre mission, c'est de pratiquer l'art d'être invisible. Votre mission, c'est de donner l'illusion de ne pas exister tout en étant toujours quelque part prêt à agir. Absolument. Et agir, ça veut dire envoyer des missiles. Si la dissuasion, voilà. Si la dissuasion échoue, absolument. Alors, d'après ce que vous pouvez rappeler, la différence entre ce qu'on appelle les SNLE, les sous-marins lanceurs d'engins, nucléaires lanceurs d'engins, et les SNA, les sous-marins nucléaires d'attaque. Voilà, alors les deux sont... Alors il y en a un qui est nucléaire une fois, le sous-marin nucléaire d'attaque, il a un réacteur nucléaire qui lui permet d'avoir une propulsion, et l'autre qui est nucléaire deux fois, parce qu'il a aussi une machine nucléaire avec un réacteur et puis des turbines. Et une deuxième fois, parce qu'il a à bord 16 missiles, ces 16 missiles étant chargés de bombes nucléaires. Donc, le premier, ce sont des sous-marins qui font des opérations assez classiques, si je puis dire, qui existent depuis tout le temps, l'accompagnement du Charles de Gaulle, la dépose de commandos, des renseignements, des patrouilles dans des zones un petit peu compliquées. L'entraînement, d'ailleurs, du sous-marin nucléaire lanceur d'engin quand il part en patrouille. En revanche, le sous-marin nucléaire lanceur d'engin, lui... Il doit être prêt, si jamais la dissuasion a échoué, à ce que ces missiles partent. Et donc sa mission, c'est d'être dilué dans l'océan et d'être prêt à tout moment à lancer ces missiles. Alors le premier SNLE, c'était le Redoutable. Le Redoutable, oui. Qui a fonctionné pendant 25 ans, je crois. Voilà, qui est parti. Et quand il est revenu à Cherbourg, après avoir effectué toutes ses missions, un journaliste a écrit « Le Redoutable est revenu à Cherbourg pendant les quelques 25 années de ses patrouilles sous la mer. Il n'aura servi à rien. » Voilà. Comment est-ce que vous comprenez ça? Alors, j'ai moi-même réagi à cet article en expliquant ce que c'était que la dissuasion nucléaire. Et en disant que tout ça était assez subtil. C'est vrai que la dissuasion nucléaire est assez subtile parce que finalement, on met au point des engins très compliqués, un sous-marin, des missiles qui doivent partir sous la mer, et tout ça pour que jamais, finalement, ils ne quittent le bateau. Mais Ça fonctionne maintenant depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça permet aussi, contrairement à ce que certains disent, à donner à ceux qui possèdent cette force nucléaire, et c'est vrai aussi dans l'armée de l'air, puisque ça a commencé par l'armée de l'air, une rigueur, une conscience de la mission, les procédures qui font que partout, ces procédures sont parfaitement appliquées. Dans le livre, vous dites que la dissuasion, c'est une sorte de pari pascalien. C'est une forme de pari pascalien, qui est de dire... Plutôt que de partir en guerre et voir celui qui va gagner, eh bien, on se met autour d'une table en disant les conséquences seraient tellement graves de l'envoi de chaque côté de ces missiles qu'il faut plutôt réfléchir. Et ce qui prouve bien, contrairement à ce que dit l'article, que le fait qu'il n'ait servi à rien est la réussite de la mission. Au contraire, c'est la réussite de la mission. Alors, je peux dire, puisque j'avais répondu à ces journalistes que j'ai eu après. C'est paradoxal, il ne s'est pas utilisé. Absolument, voilà. C'est très paradoxal. Mais dans la vie, il y a beaucoup de choses qui sont paradoxales. Et ça éclaire quand même la posture de l'équipage. C'est que je pense que là, c'est quelque chose qui est très commun entre notre activité spatiale et le sous-marin. C'est que au jour le jour, un sous-marin nucléaire, je suppose qu'il y a une certaine routine. En fait, pas grand-chose ne se passe, normal, sauf quand il y a des opérations spéciales sur un sous-marin d'attaque. Mmh. Mais sur un SNLE... en général, il se passe pas grand-chose. C'est assez monotone. On a, en tout cas, dans l'espace, pour nous, on a notre rond. Très facilement, quand on met en œuvre une expérience scientifique à bord, on peut oublier qu'on est dans l'espace. C'est comme si on était dans un laboratoire, parce que ce qui compte, c'est comment fonctionne la machine, pourquoi le voyant vert ne s'est pas allumé. Et dans ces préoccupations, on oublie complètement qu'on a le corps en apesanteur, qu'on est séparé du vide par 3 mm, etc. Mais s'il arrive quelque chose... Il faut être capable de réagir dans cette espèce de ronron quotidien où on vit un petit peu comme un poisson dans un bocal, hein, dans un rythme de vie relativement, enfin qui n'a pas d'exigence d'urgence absolue. Il peut arriver, c'est arrivé dans Mir par exemple, il y a une collision avec un cargo Progress qui a amené une dépressurisation de l'ensemble de la station. C'est quoi un cargo Progress? Un cargo, eh bien, il y a deux types de véhicules qui visitent une station. Il y a le véhicule habité, c'est Soyouz, qui amène des astronautes et qui leur permet de revenir à bord. Et puis, périodiquement, tous les deux mois, on a un ravitaillement par un cargo qui est normalement complètement automatique. Et là, il y avait une expérimentation de piloter ce cargo en cas de panne de l'automatisme. C'était une expérimentation. Et ça s'est mal passé. Ça s'est tellement mal passé qu'il y a eu une collision qui a fait que le Progress est passé au ras de la station. Il est venu se prendre dans les panneaux solaires d'un module qui s'appelait Spectre, comme un filet à papillon. Il a arraché ses panneaux solaires, donc l'axe a créé une fuite à l'intérieur de la station, et l'équipage, ils ont perdu à peu près un tiers de leur pression de l'ensemble de la station. Et l'équipage a été obligé de sécuriser ce module par l'écouter. Le problème, c'est qu'il y a tellement de câbles, y compris des câbles informatiques qui maîtrisent la stabilité de la station, des câbles électriques à haute tension. Ils ont coupé ça à la hache et en 30 secondes, ils ont sécurisé. Et c'est ça la difficulté, c'est de passer du ronron quotidien à la réaction extrêmement rapide, extrêmement précise qui est nécessaire à la survie. Et c'est cet équilibre qui est peut-être... notable et qui est tout à fait commun à mon avis entre le sous-marin nucléaire, parce que si jamais l'ordre de tirer vient, il faut pas se poser de questions. Absolument. Il faut le mettre en œuvre. Absolument. Et c'est probablement pas facile, en particulier pour le commandant, de donner cet ordre sachant les conséquences qu'il y a derrière. Oui. Mais la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire la paix, est à ce prix. Voilà. Voilà, c'est ce qui m'a toujours guidé. Alors l'expression « branle-bas », elle vient de vous, je l'ai appris en lisant votre livre. J'ai fait mon service dans la marine, mais j'ai jamais navigué, pour des raisons paradoxales. Et « branle-bas », j'ai appris ce que ça voulait dire. « Branle-bas », en fait, ça remonte à l'époque où il y avait des hamacs et pas des couchettes. Maintenant, on a des couchettes extrêmement confortables. Et « branle-bas », on descendait du branle qui était le hamac. Alors ça rythme la vie de tous les jours, puisque tout le monde se lève à la même heure, même si on a fait un quart de nuit et qu'on n'a pas beaucoup dormi. Et donc, ce que disait Jean-Pierre sur la routine, c'est à la fois une routine et quelque chose qui est très organisé pour que justement ce ne soit pas la routine. Par exemple, on est responsable d'un quart un jour et on est responsable d'un autre quart le lendemain. Et la couleur de chaque quart n'est pas la même. Voilà, c'est ce qui fait que... Et c'est bien sûr aussi le rôle à la fois du commandant et de l'équipe. Alors vous dites dans le livre que dans un sous-marin comme le Triomphant, on fait le quart par tiers. Oui, on fait le quart par tiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un douzième? ça veut dire qu'il y a trois équipes, et que ces trois équipes font le quart. Alors les anglo-saxons disent « watch », ce qui est mieux, c'est-à-dire la surveillance, la prise en charge. Mais chaque quart n'a pas exactement la même durée. Donc il y a des quarts plus courts, il y a des quarts de 2 heures, des quarts de 4 heures. Un quart de 4 heures, de 0 à 4, on est assez isolé, et c'est vrai aussi en surface. Ce sont des quarts au cœur des ténèbres qui vous apprennent bien à former votre caractère, puisque là, vous êtes seul, le commandant dort. Il faut que le commandant dorme. Il ne peut être réveillé que... Et voilà, ne me réveille qu'en cas de quoi que ce soit. Et quoi que ce soit n'est pas n'importe quoi. Vous avez votre vocabulaire aussi, ce que vous appelez le dioptre. C'est l'interface entre l'air et l'eau. C'est la surface. Pour un de physicien la mer. Comme vous, je pense que c'est merveilleux. Il y aurait beaucoup de choses à crise. Ouais. Qu'est-ce qui permet à un sous-marin comme le Triomphant d'être invisible et quelles sont les ondes qui sont capables de traverser le dioptre? Alors, aucune onde électromagnétique ne franchit le dioptre, c'est-à-dire la séparation l'interface. Entre l'air et l'eau. Et si on veut détecter un sous-marin, il faut se mettre dans son environnement. Philosophiquement, c'est aussi intéressant. Alors, en revanche, quand on est dans son environnement, dans l'eau, et on l'a bien entendu avec la musique tout à l'heure, on entend beaucoup de choses. On entend des baleines, des crevettes, on entend aussi un porte-avions, on peut entendre ou ne pas entendre. Est-ce que vous voyez, plutôt est-ce que vous entendez une baisse de la biodiversité dans le monde marin? Absolument, oui, absolument. Moi, je ne l'ai pas constaté, mais j'ai lu des articles très intéressants sur l'Arctique en particulier, et dans lesquels on disait qu'il y avait une baisse très forte de la biodiversité, ou plutôt un déplacement de cette biodiversité. Voilà. Donc, quand on est sous la mer, quand on est dans la mer, si on fait le moindre bruit, la moindre vibration, on peut être détecté. Et c'est pour ça. Le son va plus vite dans l'eau que dans l'air. Oui, 1500 mètres par seconde, alors que c'est 300 mètres dans l'air. Mais quand vous recevez un son, est-ce que vous êtes capable d'estimer la direction? Non, alors c'est la direction. Et oui, la distance, bien sûr. Et la distance, c'est très compliqué. Et pour mesurer une distance, on est obligé de faire des figures géométriques qui font passer d'une direction à une autre. C'est de la géométrie pure. Mais et vous-même qui n'êtes pas une oreille d'or, est-ce que vous êtes capable de distinguer le son d'un banc de crevettes, d'un chalutier? Oui, en revanche, je serais incapable de dire c'est le porte-avions Roosevelt ou c'est le porte-avions Bush. Mais l'oreille d'or saurait le faire, en disant tiens, j'entends le bruit d'une turbine dont je sais qu'elle a été... qu'elle est passée en réparation. Mais est-ce que vous connaissez, j'imagine qu'il y a une sorte de fraternité inconsciente entre tous les sous-mariniers, quelle que soit leur nationalité? Il y a un peu une fraternité entre les gens qui vont sous la mer et qui, même si... Bien qu'ils soient ennemis. Qui portent des objectifs qui soient plutôt concurrents. Le pacha d'un sous-marin américain au Pacifique et moi-même quand j'étais... dans l'Atlantique. Finalement, on a les mêmes exigences, en particulier de... Vous connaissez des commandants de... J'en ai rencontré, oui, nous en avons rencontré. Et finalement, la discussion entre nous était très, très facile. Je pense que c'est pareil pour Jean-Pierre avec les Russes. On est des officiers, on était formés pour ça. Et les conditions de vie étant à peu près comparables, on peut échanger beaucoup. Vous parlez assez longuement dans le livre, longuement, il y a plusieurs pages, de la tragédie du Kursk. Oui. Qui est quand même un traumatisme, j'imagine, pour les sous-mariniers. C'était un traumatisme et c'était une très belle leçon, parce que c'est ce que j'explique dans le livre et ce que raconte le très beau film de Thomas Vinterberg qui s'appelle Kursk. Il y a eu là aussi une fraternité très, très, très rapidement pour essayer de sauver ces 23 hommes. Oui, mais là, il y avait été moyen d'évacuer les 23 marins qui étaient rescapés d'une explosion qui a fait couler le sous-marin. Voilà. Donc on les a... Ça n'a pas pu se faire, et en particulier parce que les Russes ont refusé que les Britanniques, qui avaient les moyens, et les Norvégiens viennent avec leurs petits sous-marins de sauvetage s'ajuster sur le panneau du sous-marin. Ils ont envoyé leur sous-marin de sauvetage, qui était pas en très bon état et qui n'a jamais pu s'ajuster. Voilà. Et pourtant, on entendait les coups de marteau. On entendait les coups de marteau, jusqu'au moment où on les a plus entendus. Et quand on parle de fraternité, c'est Colin Firth qui joue le rôle de l'amiral américain. Il est tellement désespéré et désolé quand il voit qu'on ne pourrait rien faire alors qu'on a tous les moyens de le faire. C'est un très beau film, à la fois sur cette sauvetage, sur l'ambiance à bord, et aussi sur le côté très familial. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Jean-Pierre Aigneret, est-ce qu'il y a des cas de sauvetage réussis dans l'espace? Non, sauvetage de la station, oui. Il est arrivé, là, par exemple, Salyut 7, la station qui a précédé Mir, a dû être abandonnée, panne électrique totale. Et il y a un équipage russe, Gianni Bekov en particulier, je me souviens d'un des deux, qui d'ailleurs a été remarqué comme un astronaute, un cosmonaute, on dit en Russie, particulièrement doué, particulièrement performant, et qui a permis de sauver la station. Ils sont venus à bord de la station alors qu'il n'y avait plus d'électricité, plus de conditionnement de température, il fallait renouveler l'air. Alors tout ça se passant à 400 km dans le vide absolu, un miracle pour décoller. À chaque fois, c'est toujours, quand même un miracle technologique à chaque fois, un décollage de fusée, un retour sur Terre. Et donc, mais des sauvetages de personnes, non. Hein. Il y a eu 4 accidents répertoriés dans l'histoire de l'espace. Il y a eu Apollo 13 quand même, qui était une... Ils sont revenus sains et saufs. Il y a Apollo 13, c'est vrai. Qui est une formidable... De sauvetage, mais par les moyens du bord, si on peut dire. Oui, absolument, oui. Oui, c'est-à-dire explosion de la pile à combustible, de la réserve d'oxygène de la pile à combustible du module de service, qui a provoqué une perte des ressources d'oxygène et le moteur des orbitations. Mmh. Et bon, enfin, tout le monde, beaucoup de gens ont vu ce film grâce à la disponibilité et à l'ingéniosité du centre de contrôle. On a utilisé les moyens qui étaient propres au LEM, qui permettaient normalement l'atterrissage sur la Lune. Ces moyens, réserve d'oxygène, motorisation, qui leur ont permis de revenir sur Terre, sachant qu'ils étaient partis en direction de la Lune et ils pouvaient pas freiner et faire demi-tour. Ils étaient obligés de faire le tour de la Lune et revenir. C'était un régime balistique. Et là, il a fallu refaire des calculs de trajectoire avec des moteurs qui n'étaient pas prévus pour faire ces corrections orbitales. Il y a à la fois un exploit, une disponibilité inouïe du centre de contrôle. Il y a eu aussi beaucoup de chance, il faut le dire, parce que dans l'espace, les marges de manœuvre sont quand même très faibles. En fait, ils ont failli rebondir, je crois, sur l'atmosphère. Au retour, oui, parce qu'en fait, on se rend pas bien compte, mais quand on voit une photo de la Terre et qu'on voit l'épaisseur de l'atmosphère, c'est comme une coquille d'œuf par rapport à... C'est un millième du diamètre. Donc... la précision de l'angle de rentrée par rapport à cette atmosphère, on peut pas rentrer perpendiculaire parce que sinon on percute la planète et on a des forces de décélération létales. On peut pas non plus, parce que là, du fait qu'ils avaient une vitesse de libération, c'est-à-dire celle qui est au-dessus de la vitesse nécessaire pour rester en orbite autour de la Terre, il y a des risques de rebond au retour. Quand on a 7 km/s, à partir du moment où on touche l'atmosphère, on ne peut pas rebondir, on est obligé de descendre. Mais là, sur une trajectoire type extraplanétaire, il y a ce risque effectivement accru par le fait qu'il a fallu faire des simulations sur des systèmes qui n'étaient pas prévus pour être utilisés comme ça. Mais la chance est importante. La chance est très importante dans ces missions. Vous êtes d'accord avec ça ou au contraire? Oui, je ne sais pas si c'est la chance ou si c'est le fait qu'on se prépare beaucoup et qu'on travaille beaucoup avant et qu'on s'entraîne beaucoup. C'est vrai, mais il y a quand même cette dimension supplémentaire qui permet de se sortir d'une situation. Moi, j'ai un autre exemple qui est cet A320 qui s'est posé sur l'Hudson. Hein. Il y a un très très beau film aussi. Et je trouve que j'étais en avant-première à ce film. Et il y a quelqu'un qui était un commandant de bord qui m'a dit « Mais c'est un miracle ce qui s'est passé ». Et je suis tout à fait, c'est pas un miracle. On se prépare tout le temps. Justement, pouvoir réagir dans des conditions, c'est pas un miracle. Pas pour ça. Il n'y a pas d'essai en vol qui permette d'amerrir un A320. Ouais, mais il a réussi. Il n'y a pas de recommandation précise. Par exemple, est-ce qu'on sort le train ou pas? Vaut mieux pas sortir, mais on peut imaginer que le frein peut servir de fusil pour tuer l'énergie. Ouais. Et là, donc, il a improvisé. Donc, c'est un mélange de... Et puis surtout, il a pas obéi à la tour de il contrôle. A désobéi. Il a désobéi. Il y a des moments, il faut savoir désobéir. Il a été poursuivi ensuite. Il a eu un procès. Il faut savoir désobéir. C'est un militaire qui dit ça. Absolument. Un amiral. Absolument. Je pense que le général de Gaulle, par exemple, quand il a quitté la France, il a désobéi à la fois à l'État français, bien sûr, mais à sa propre conception de ce qu'était la vie et ce qui a permis la suite. Il faut savoir désobéir. On peut pas faire n'importe quoi en disant je l'ai fait parce qu'on m'a dit de le faire. Un officier doit avoir un niveau de conscience. Où est la limite de l'obéissance absolue qui doit à son organisation. Et ça, c'est intégré dans le code de l'armée, si j'ose dire. C'est c'est pas personnel. Intégré, je pense, je dirais plutôt que c'est intégré dans le code de l'intelligence, je crois, et des fonctions qu'on vous donne. Si on vous donne certaines fonctions, c'est qu'on imagine qu'il y a que tous les cas ne sont pas forcément prévus, et que vous aurez le réflexe, vous-même, ou l'équipe qui vous entoure, d'avoir le bon réflexe au bon moment. C'est ce qui fait l'intérêt de notre métier. Dernière question, messieurs, à l'un et à l'autre, est-ce que ça vous manque? Vous, la vie dans un sous-marin, amiral Dupont, et vous, Jean-Pierre Aigneret, un petit voyage dans l'espace. En ce qui me concerne, moi, je suis nourri par cette expérience. J'ai fait dans l'espace tout ce qui était à la portée d'un astronaute français. J'étais ingénieur de bord dans la station, ingénieur de bord Soyouz. J'étais le premier ingénieur Soyouz. J'ai fait un vol de longue durée, une sortie extravéhiculaire. Vous savez, nous pauvres astronautes français, on a un vol tous les, un type individuel, au mieux un vol tous les 8 ans. Donc j'avais plus rien à, j'aurais aimé être sur la Lune. Voilà. Ça, j'aurais beaucoup aimé aller sur la Lune. Et j'espère que les missions prochaines se consacreront à cette redécouverte et à cette remise en œuvre. Mais je n'ai pas de regrets, non, parce que j'ai fait ce que je voulais faire. Et vous, amiral? Moi, je suis ravi d'avoir fait ce que j'ai fait. Comme Jean-Pierre, je crois que j'ai été nourri et je continue à être nourri, y compris dans mes réflexions sur la vie, sur le management, sur le commandement, que j'ai beaucoup de chance de pouvoir continuer à exposer. Mais il faut grandir et j'ai été ensuite dans des états-majors, au ministère de la Défense, qui m'ont permis, je pense, en me nourrissant de ce que j'avais fait, de faire des choses aussi tout à fait passionnantes. Merci à vous deux, Jean-Pierre Aigneret et amiral François Dupont. Je recommande la lecture de votre livre « Commandant de sous-marin » à paraître le 16 octobre dans les librairies. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique d'Ophar Guéride et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.